les jours heureux, les mauvais souvenirs. J'ai pris du plaisir, j'ai tout connu, le meilleur et le pire. J'ai pris du plaisir, qu'elles étaient des ou de glace ou de feu, et belles à mourir, même si certaines m'ont rendu malheureux. Ce fut un plaisir, du plaisir, du plaisir, si simple et si vrai. Du plaisir, et mourir après. À chaque porte difficile à ouvrir, j'ai pris du plaisir, oser parler, quitte à me faire haïr. J'ai pris du plaisir, à chaque marche qu'il me fallait gravir, mais sans me trahir. À chaque page qui se laissait noircir, j'ai pris du plaisir. Du plaisir, du plaisir, si simple et si près. Du plaisir, et mourir après. Sur chaque ride que tracent mes souvenirs, reste le plaisir. Savoir recevoir, même apprendre à offrir, encore du plaisir. Toutes ces notes impossibles à chanter, j'ai pris du plaisir. Pouvoir m'excuser autant que pardonner, j'y prends du plaisir. Du plaisir, du plaisir. Être là ce soir et pouvoir vous le dire, ça me fait plaisir.